vers l'âme, développe un style infâme, le monde du rap. À part nous, y a-t-il là-bas le compte à race? On fait quand l'artisanat, Bélec, tu te mouilles dans nos affaires. On est des piranhas, c'est vrai que t'es vert et que tu la fermes, à genoux à terre, ouais, y'a pas pire à voir. La dernière lettre de l'alphabet, derrière un mic, sur les scènes, les plus mal formées, même sur un terrain vague. La secte est souvent colérique, ça colle à notre éthique. Violence phonétique, notre mauvaise poésie fait polémique. Je vais me sauver vite de ce pourpier. Autant de mauvaises nouvelles dans nos textes que dans nos courriers. Toujours trois, jamais tout courbé. Faut tourner cette foutue page, tu t'en la joues, tu fais le foutu chial. On rap énervé, c'est encore le coup du diable. Et ça va rouler mal sur la route du bonheur. Les adeptes de la secte affluent sous les flammes, affecte de la fête. J'égorge une feuille avec un crayon. À chaque instru sacrifié, c'est tout un rituel que nous planifions d'un Z gravé. Dans cette descente, on s'enferme une pyramide de pierre, mais d'un marché. J'égorge une feuille avec un crayon. À chaque instru sacrifié, c'est tout un rituel que nous planifions d'un Z gravé. Dans cette descente, on s'enferme une pyramide de pierre, mais d'un marché. C'est une grenade coincée dans la gorge. Entends la réunification d'une secte adepte attendant la mort. L'usine, mon cœur, ma patrie. Le visage ombré d'une capuche sans l'abri. Caché dans le néant. Le Z, mon tatouage, mon pendentif. Entends siffle à ton oreille, j'déraille, dérouille ces pendentifs. Quand je rentre dans le vif de mon cervelet, un cerf-volant d'un spi me décolle les pieds de la terre ferme en permanence. Faut que je reprenne ma lance, mes frères à potière. D'avance, dis la part entière, je pars en guerre jusqu'à la dalle en pierre. J'ai la dalle en vrai, je rêve, je vois pas la fée. C'est pas la vie, mais plutôt les erreurs qui m'ont pas lâché. L-U-Z-I-N-E, une ronde par mes JNE. A plier le rap, m'enraye la voix avec un flow mielleux. Allume les bougies, je pose un pied sur le tapis noir. Ça sent le roussi, l'usine avec ou sans les salles. J'ai gorgé une feuille avec un crayon. À chaque instru sacrifié, c'est tout un rituel que nous planifions d'un Z gravé. Dans cette descente, on s'enferme une pyramide de pierre, mais d'un marché. J'ai gorgé une feuille avec un crayon. À chaque instru sacrifié, c'est tout un rituel que nous planifions d'un Z gravé. Dans cette descente, on s'enferme une pyramide de pierre, mais d'un marché. Sacrifice your life to a higher force. Burn them as a sacrifice.